Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du hayyakumullah jami'an wa baraka fikum. On va reprendre où on s'était arrêté dans la traduction ou l'essai de traduction du cours de notre cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas hafidhahullah ta'ala, le cours qu'il y avait il y a deux jours. Il reste une petite partie du cours à traduire et ensuite on enchaînera sur le cours de notre cheikh Mouaffaq al-Djabouri hafidhahullah ta'ala. Pour commencer, on s'excuse de certains problèmes. Donc les frères du site Ahlul Dhikr s'excusent pour certains problèmes de transmission. Il y a aussi des problèmes car les mashayikh, ils sont dans des pays parfois où il n'y a pas beaucoup de réseaux, comme Cheikh Nizar qui se trouve au Soudan. Même si ça, son cours, alhamdoulilah, le début du cours n'était pas très bien retransmis, après il y avait une meilleure retransmission. Aussi Cheikh Mouaffaq qui est en Irak, vous savez, avec toutes les troupes qu'il y a là-bas. Et il y avait une moins bonne transmission. Après cela, on a fait un appel en Arabie Saoudite, walillah alhamd, pour essayer la radio. Et on a vu que là-bas, alhamdulillah, il y avait une bonne transmission. Donc cet appel pour voir comment était la transmission et le son par rapport à l'Arabie Saoudite. Du fait que le prochain cours, je vous le rappelle, il sera jeudi à 4h, la même heure, donc jeudi à 4h avec notre cheikh Oussama Al-Amri, hafidhahullah ta'ala, et le cours aura pour thème l'explication de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dans le sens approximatif de ces paroles, certes, ce Coran, ce Coran guide sur la voie la plus droite. Elle sera donc jeudi 15 juin, le 21 du mois de Ramadan, pardon, le 20 du mois de Ramadan de l'année 1438, le 15 juin 2017, à 16h, avec notre cheikh Oussama ibn Saoud al-Amri, hafidhahullah ta'ala, de Jeddah. Et ça, c'est un petit rappel et une excuse de la part des frères du site de Ahlul Dhikr pour ces petits problèmes de son. Et dans tous les cas, vous retrouvez les audios sur le site et sur la chaîne Telegram, Inch'Allah Ta'ala. On va terminer donc la traduction ou l'essai de traduction, comme j'ai l'habitude de le rappeler aussi au début de chaque traduction, que c'est seulement un essai de traduction, car la traduction est une science à part entière et c'est quelque chose qui est très pointu. Et je ne prétends pas, ni aucun des frères qui sont là avec moi, des frères de Ahl al-Dhikr, ne prétendent avoir ce niveau, être atteint à ce niveau d'être un traducteur et de pouvoir faire ces traductions à ce niveau-là. Mais c'est bien un effort de traduction, un essai de traduction, une traduction approximative des paroles de notre cheikh hafidhahullah ta'ala. Et comme le dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, celui qui veut faire la traduction, il parle bien sûr du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, du sens des versets. Ceci vaut aussi pour les paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il soit savant dans les deux langues, la langue traduite et la langue vers laquelle on traduit. Et ça, c'est une chose que nous ne prétendons pas, mais c'est bien un effort de traduction. Et comme il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَى نَفْسَهِ. Et comme il dit le poète, وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَ فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَى. Si tu trouves une erreur dans tous les cas, il faut que tu nous en fasses part. Barakallahu fik. On reprend sur la traduction donc de ce cours de notre cheikh, Cheikh Nizar, hafidhahullahu ta'ala. Ce cours qui a eu lieu il y a deux jours sur le thème de la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles. Le temps se rapprochera, les œuvres diminueront, l'avarice se répandra, le meurtre se multipliera. On s'était arrêté sur la parole de notre cheikh, hafidhahullah, où il nous dit que les ahadiths qui ont attrait aux signes de l'heure, il est très important de les prendre de la meilleure des manières et auprès des savants. Et c'est eux qui nous expliquent. Lorsqu'il nous évoque que ces hadiths qu'ils ont attrait au signe de l'heure et à la fin des temps et aux troubles, il est impératif pour le musulman de les prendre auprès, de les apprendre et de les étudier auprès des savants. Car ce sont eux qui nous expliquent le sens de ces hadiths de la meilleure des manières. Et que toutes les sectes qui se sont égarées, qui sont sorties de la méthodologie des pieux prédécesseurs, toutes ces sectes comme le Khawarij et autres que eux, se sont égarés car ils ont mal compris ces ahadiths qui ont attrait aux signes de l'heure et aux troubles, etc. Et il nous a parlé, le shir, de cette fitna, de ces troubles qui sont apparus dans Al-Haram al-Makki à cette époque, c'est-à-dire au siècle dernier, donc à la fin du XXe siècle, il y a quelques dizaines d'années, et qui est connu comme les troubles au Fitnat al-Juhayman, les troubles de al-Juhayman, cette personne qui était une personne égarée. Il nous dit, le shir, que c'est une histoire qui est bien connue auprès des gens de science ainsi que des étudiants. Le shir nous a rappelé quelle était cette fitna, et ici je mets une parenthèse, j'ouvre une parenthèse qui sera de ma parole à moi, la parole de Abdou Samad Abou Abeid, pour vous expliquer quelle est rapidement, en quelques lignes, cette fitna, la fitna de Al-Juhayman, qui est connue comme Al-Juhayman, car je pense que la plupart des frères n'entendent pas parler, car c'est un peu éloigné dans le temps par rapport à eux, c'est une chose qu'ils n'ont pas peut-être pas entendu vraiment parler, et comment dire, surtout le public francophone. Donc Al-Juhayman, c'était une personne, un Saoudien, qui s'appelait comme cela, donc Juhayman, et qui avait étudié à l'université de Médine, à l'époque où le directeur était Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Cette personne, Juhayman, avait pris une licence là-bas à l'université de Médine, avait étudié là-bas. C'était un Saoudien qui, au début, était sur une voie droite, à ce que l'on rapporte de lui. Il avait un contact avec les savants de Médine, et autres que les savants de Médine comme Cheikh Al-Imam Ibn Baz rahmatullahi alayh. Il lui avait demandé de créer une brigade qui est aujourd'hui connue comme la brigade de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, la brigade qui ordonne le bien et qui réprouve le blâmable, dans Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-Saoudiya Bilad Al-Tawhid wa Sunnah harasah Allah. Et c'est lui qui avait demandé à Cheikh Ibn Baz de créer une brigade comme cela, et il l'avait ramené avec lui. Donc c'était lui qui l'a dirigé, ou en tout cas il faisait partie de ses dirigeants. Il avait ramené avec lui plusieurs étudiants qu'il voyait qu'ils avaient un bon manhaj, donc cette personne Al-Juhayman, et qui s'occupait de cela, de cette brigade de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. C'était celle qui avait précédé, donc celle que nous connaissons aujourd'hui. Et cette personne Al-Juhayman, il s'est égaré, justement, comme nous le dit le shir dans ce cours, par sa mauvaise compréhension des hadiths qui ont attrait aux signes de l'heure et aux troubles et aux hadiths qui parlent de la fin des temps, et en particulier les hadiths qui parlent de la venue et de l'apparition de Al-Mahdi. Car son égarement était qu'il a prétendu que Al-Mahdi, c'était son beau-frère qui s'appelait Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani, si je me trompe pas, c'était quelqu'un de cette qabila, de cette tribu de Qahtan, si je ne me trompe pas. Et donc il s'appelait Muhammad ibn Abdullah. Et donc bien sûr, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué dans plusieurs hadiths que son nom, c'est-à-dire le nom du Mahdi, serait le même nom que le sien et celui de son père, donc Muhammad ibn Abdullah. Et cette personne, donc son beau-frère, cette personne Al-Juhayman, s'appelait Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani, si je ne me trompe pas. Et donc il avait pris cette personne comme étant Al-Mahdi. Et un jour, donc, dans Al-Haram Al-Makki, il était rentré, lui et des gens de sa brigade. Donc, c'était une brigade, donc ils avaient des armes. Ils étaient rentrés dans Al-Haram Al-Makki. Et bien sûr, du fait qu'ils étaient agréés et agrémentés, pardon, donc ils avaient le droit de rentrer dans le Haram al-Makki avec des armes, c'était quelque chose de facile pour eux. Et donc, c'est-à-dire, ils étaient autorisés par l'État, en fait, du fait qu'ils étaient agrémentés, etc. Et donc, ils étaient rentrés dans le Haram al-Makki avec certaines personnes qu'il avait suivies dans son égarement et avec son beau-frère aussi, Mohamed ibn Abdullah, qu'il avait proclamé comme étant Al-Mahdi. Et donc, au milieu de l'Haram al-Makki, il a fait une prise d'otage. C'est vraiment un résumé que je vous fais de cette fitna, qui est connue comme fitnat al-Juhayman. Et donc, il a pris l'Haram al-Makki en otage, sans forcément prendre en otage beaucoup de gens. Mais il a pris l'Haram al-Makki, il a proclamé que cette personne était Mohamed ibn Abdullah al-Mahdi. Et au milieu de l'Haram al-Makki, il s'en est suivi que le royaume d'Arabie Saoudite, harasahallah bil tawhid wa sunnah, ont cherché donc à envoyer donc leur armée ou des personnes de leur armée pour libérer l'Haram al-Makki. Ils s'en est suivi beaucoup de troubles de cette affaire et walhamdulillah, Allah Azza wa Jal a, comme il l'a promis, a préservé sa religion dans cette fitna, comme dans des fitnas précédentes et dans des fitnas à venir, car il l'a promis cela, donc de préserver sa religion. Tabaraka wa ta'ala, il a préservé donc sa religion au moment de cette fitna al-Juhayman, et le Haram al-Makki a été libéré, wallillah alhamd, et les ulama ont suivi de près cette affaire et ont donné certaines fatawa dans cette affaire, et ont donc les gouverneurs du royaume d'Arabie Saoudite, rahimahumullah wa rahimallahu al-amwata minhum wa hafidha al-ahya minhum al-malik Salman waffaqahullah lima yuhibbu wa yarda. Ces gouverneurs revenaient vers comme ils ont l'habitude de faire et ils ont eu l'habitude et ils ont toujours l'habitude de faire, revenaient vers nos savants, les grands savants de l'Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, à l'époque le mufti qui était Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils revenaient vers lui pour demander des conseils par rapport à cette fitna al-Juhayman. Ils sont revenus vers lui, alhamdoulilah, les gouverneurs et l'ulama. Ils se sont entraînés dans cette fitna jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre son secours pour sa religion, la religion véritable. En résumé, c'est bien ça, la fitna al-Juhayman, donc de laquelle a parlé le Cheikh. Et ici, je ferme la parenthèse. C'était une petite explication vraiment courte pour vous expliquer quelle en est. Et il y a découlé, qu'en est-elle, pardon. Et il a découlé de cette fitna beaucoup de troubles, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas ici le moment d'en parler. C'était vraiment pour vous donner un petit aperçu de cette fitna, comme le Cheikh nous en a parlé. Et il a pris comme exemple, ici je ferme la parenthèse, donc le Cheikh a pris comme exemple cette fitna de Juhayman, et il nous dit que cette personne, Al-Juhayman, s'est égarée car elle a mal compris les hadiths qui ont attrait à la fin des temps et aux signes précurseurs de l'heure. Et parmi ces signes, donc, l'hadith qui parle de Al-Mahdi. Et il l'a fait descendre, ces hadiths, ou il les a appliqués, ces hadiths, d'une mauvaise manière. Donc comme on l'a vu ici, il les a appliqués, ces hadiths de Al-Mahdi, qui viendrait, qui apparaîtrait à la fin des temps, sur son beau-frère, qui s'appelait Mohamed ibn Abdullah. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle est tombée, comme nous le dit le Cheikh, la plupart des sectes, ou toutes les sectes égarées, par rapport au vis-à-vis de ces hadiths qui traitent des troubles et de la fin de l'heure. Et le Cheikh nous dit que, bien sûr, Al-Mahdi, il y a des signes qui ne sont pas apparus, donc ce n'était pas le temps de son apparition, le temps de Al-Juhayman, et jusqu'au jour d'aujourd'hui ce n'est pas le temps de son apparition, car il y a des signes, si on réunit l'Ahadith, il y a des signes qui ne sont pas apparus, donc ce n'était pas son temps légiféré. Et cela, comme nous l'a dit le Cheikh, nous ne pouvons le savoir que à l'étude approfondie de ces hadiths, et c'est pour cela que le Cheikh nous enjoint n'importe quel musulman de bien comprendre et de bien étudier ces hadiths, ainsi Tullab al-Ilm, de bien étudier ces hadiths qui nous ont attrait aux troubles, ainsi que les signes de l'heure et les signes précurseurs de l'heure et les signes de la fin des temps. Le Cheikh nous dit que parmi les enseignements et les bénéfices que nous retirons de l'étude de ces hadiths, il y a le fait que celui qui était insouciant se réveille. et reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala et prennent conscience de ses erreurs et de ses égarements. Qu'il se réveille celui qui était endormi et qu'il fasse plus attention celui qui était insouciant. Ainsi, lorsqu'il lui viendra l'heure, la mort, cette personne sera sur une clairvoyance et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aura une science et une certaine clairvoyance par rapport à la manière de se comporter à ce moment-là, et il mourra sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était miséricordieux et bienveillant à l'encontre de sa communauté, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a éclairci le chemin et leur a détaillé les signes de l'heure, les signes précurseurs de l'heure, donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était bienveillant envers sa communauté, qui leur a éclairci le chemin, qui leur a détaillé les signes de précurseurs de l'heure, ainsi que ses troubles, afin de les mettre en garde et de les avertir. Comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai certes laissé sur une voie blanche, de jour comme de nuit, c'est-à-dire clair de jour comme de nuit. Et comme il est rapporté aussi, comme le cheikh nous le rappelle, dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour après la prière de l'Fajr, la prière de l'aube, est sorti vers ses compagnons. Il est monté sur al-minbar, sur la chaire, et il leur a rapporté, comme il a rapporté dans ce hadith, tout ce qui se passerait, tous les signes précurseurs et tout ce qui se passerait jusqu'à l'heure du jugement, jusqu'à ce que les gens de l'enfer rentrent en enfer et les gens du paradis rentrent au paradis. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il s'est assis avec eux un long moment et leur a expliqué, rapporté tout ce qui se passerait jusqu'à la fin des temps, jusque au dernier moment, le moment où chacun trouvera sa place au paradis ou en enfer. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de son châtiment et qu'il nous fasse rentrer dans sa miséricorde. Amin. Le cheikh nous dit ici qu'il y a dans ce hadith 4 points, 4 signes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqués. Le premier est que les temps ou le temps se rapprochera. Le deuxième signe est que les œuvres diminueront. Le troisième, que l'avarice se répandra. Et le quatrième, que le meurtre se multipliera. Le premier signe, le cheikh nous explique, le temps se rapprochera. Il nous dit la meilleure manière qu'on a d'expliquer ce point, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu zaman, dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, le temps se rapprochera, c'est de l'expliquer par un autre hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala dans son jami' et autres que lui, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le sens approximatif de ces paroles, le temps se rapprochera jusqu'à ce que l'année sera comme un mois, que le mois sera comme une semaine, que la semaine sera comme un jour, que le jour sera comme une heure, que l'heure sera comme une minute, jusqu'à la fin du hadith. Donc le shir nous dit qu'on explique que ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps se rapprochera comme cela, par un autre hadith, une autre parole rapportée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle que je viens de vous évoquer. Et le shir nous dit que c'est une chose que nous voyons et que nous ressentons au quotidien. Auparavant, les temps étaient plus... Il y avait plus de bénédictions dans le temps. On sentait que dans une courte période, nous pouvions accomplir un grand nombre d'œuvres, à l'inverse de ce que nous vivons aujourd'hui. Le shir nous dit qu'il y a une règle très importante au sujet des signes de l'heure qu'il nous faut comprendre. Cette règle est la suivante. Elle est que tous ceux qui ont attrait aux signes de l'heure et à la fin des temps nous montrent que cette vie d'ici-bas change complètement et que les choses qui étaient connues deviennent inconnues, méconnaissables. C'est une règle, comme nous le dit le shir, que la plupart des signes de l'heure se retrouvent dans cette dernière. Les choses qui étaient connues, auprès des gens, deviennent méconnaissables. Et cette vie d'ici-bas change complètement. Dans la plupart des signes de l'heure, nous retrouvons cela. Ici, le fait que le temps se raccourcira jusqu'à ce que l'année devienne, comme le professeur Sam l'a évoqué dans ce hadith, l'année devienne comme une heure, l'année devienne comme un mois, le mois comme une semaine, jusqu'à ce qu'ils disent que l'heure devienne comme une minute. Et donc c'est une règle très importante afin de comprendre les signes de l'heure. La plupart des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aura rapporté sur les signes de l'heure montrent que cette dunya va se changer, se transformer complètement. Comme le dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, dans le verset, je vais parfois citer les numéros des versets, quand ce sera facile pour moi de le faire, car plusieurs frères ont demandé ça depuis certaines années. Dans la surat Ibrahim, qui est la numéro 14, dans le verset numéro 48, Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc le shir a cité cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Le shir, bien sûr, a évoqué ce verset pour nous montrer la véracité de cette règle qu'il a évoquée. Ensuite, le shir nous explique ce deuxième signe qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيَنْقُسُ الْعَمَلُ. Les œuvres s'amoindrissent ou diminuent. Et le shir nous dit que cela à cause de celui qui l'a précédé, à cause du signe qui l'a précédé. C'est-à-dire que le temps se rapprochera, se rétrécira, il y aura moins de temps, on pourra accomplir moins de choses, donc moins d'œuvres dans ce temps qui sera plus restreint que dans les temps passés. Et le Cheikh nous dit que ici, les œuvres englobent les œuvres religieuses comme les œuvres mondaines. Ces œuvres mondaines que parfois les créatures profitent, ou desquelles parfois les créatures profitent. Donc dans ce temps qui se sera rapproché, qui se sera amoindri, on ne pourra faire moins d'œuvres, que ce soit des œuvres pieuses, des œuvres religieuses ou des œuvres mondaines desquelles profitent les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième signe qui est évoqué dans ce hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yulqa shuh, il nous dit shuh, c'est-à-dire l'avarice, donc en français on a traduit approximativement par le fait que l'avarice se répande, shuh, c'est-à-dire l'avarice, et le shir nous dit que c'est une avarice très prononcée. Et il nous dit que cette avarice, shuh, ça fait partie des défauts les pires chez une personne. Car il nous dit le shir que cette personne qui sera avare voudra s'accaparer ce qui est à autrui. Et son avarice le poussera à ne pas donner un haq, un droit à ses ayants droit. Il le gardera pour lui. Et le fait que cette avarice le pousse à ne pas donner ce droit à ses ayants droit, ça lui donnera encore plus d'envie de s'accaparer ce qui est à autrui. C'est-à-dire qu'au départ, il a l'envie de s'accaparer ce qui est à autrui. Et cette avarice le pousse aussi à ne pas donner ses droits à ses ayants droit. Et le fait qu'il ne veuille pas donner ses droits, ça le pousse encore plus à vouloir ce qui appartient à autrui. Et le Cheikh nous dit que même cette avarice peut le pousser à tuer pour obtenir ce qui est à autrui. Et cela nous emmène vers le quatrième signe qui est évoqué dans ce hadith, qui est que le meurtre se multipliera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, pour que vous compreniez bien, donc on l'a traduit approximativement par le meurtre se multipliera, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit wa yakthuru al-harj. Et les sahaba lui ont demandé wa mal harj, et qu'est-ce que al-harj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-qatl, c'est-à-dire le meurtre. Il l'a répété par deux fois, car il a utilisé un mot que les sahaba ou certains parmi les sahaba ne comprenaient pas. Il a utilisé le mot al-harj, non l'a traduit par le meurtre se multipliera, mais le hadith a une portée plus longue, plus large. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce mot al-harj, comme nous le dit le shir, qui veut dire al-qatl dans la langue de al-Habasha. Al-Habasha, c'est donc une région qui englobe au jour d'aujourd'hui le pays de l'Érythrée ainsi que l'Éthiopie et une partie de la Somalie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit le shir, a utilisé ce mot qui est dans la langue des gens de al-Habasha, et c'était une habitude qu'il avait. Parfois il utilisait des mots qui viennent de certaines langues qui se trouvaient proches de l'endroit où il vivait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est des gens de Mecca, et de l'autre côté de la mer Rouge nous trouvons donc là al-Habasha, c'est-à-dire ces parties qui sont l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie. Et le Cheikh nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le meurtre se multipliera, c'est-à-dire qu'il se répandra, il deviendra quelque chose d'habituel, quelque chose de simple à faire, jusqu'à ce que, comme nous le dit le Cheikh, hafidhahullah, que le meurtrier ne saura pas pourquoi il a tué. Et celui qui aura été tué ne saura pas non plus pourquoi il aura été tué. Et le cheikh nous dit que ce qui est voulu ici dans ce hadith, c'est le meurtre qui n'est pas autorisé, qui est fait sans droit. Ici, le mot meurtre utilisé en français nous indique qu'il est forcément fait sans droit. Mais ce qui est voulu ici par le shir, c'est qu'il y a un qatl qui sera fait par exemple comme pour la peine, pour certaines peines légales, certaines peines légiférées, comme par exemple la peine de celui qui aura commis l'adultère en étant une personne mariée, bien sûr, qui aura pour peine légalement dans notre législation, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous le tuons. Donc ici, c'est bien le meurtre, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le meurtre qui n'est pas fait de droit, ou qui n'est pas de droit. Et le shir nous dit que ça c'est une chose que nous voyons, et que nous ressentons, et que nous vivons au quotidien. Et le shir nous dit aussi que parmi les signes de la fin des temps, il y a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé dans un autre hadith, le fait que il y a beaucoup de morts soudaines. Et c'est une chose aussi que nous voyons. Des gens qui meurent soudainement. C'est une chose que nous voyons et que nous ressentons. Al-mawtu al-faj'a. Ou mawtu al-faj'a. Le fait de mourir soudainement. Nous dit aussi le shir que parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet, ou sur ce sujet, il y a le fait que parmi les signes de la fin des temps, le fait qu'on ne donne pas au sang sa juste valeur. C'est-à-dire que, comme dans ce hadith, le meurtre sera une chose qui sera facile à accomplir et on ne donnera pas au sang sa juste valeur. Et dans la fin du hadith, comme nous l'a cité le shir, hafidahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens approximatif de ses paroles, jusqu'à ce qu'une personne tue comme il aurait égorgé une poule. C'est-à-dire comme il prendrait une poule, une chose facile à faire, le fait d'égorger une poule pour la manger, et bien une personne va tuer son prochain. Et le shir nous dit que ce qui est voulu ici, c'est que le sang devient une chose de gratuite. Une chose qui a un bas prix ou qui est gratuite. Et le shir nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a été posé la question, qu'est-ce que l'harj, il a dit al-qatl, donc le meurtre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé deux fois, ce qui montre l'importance de cela. Et le shir de nous dire que le meurtre fait partie des plus grands péchés, après l'association et les innovations et les égarements, le meurtre fait partie des plus grands péchés. Car le sang du musulman est quelque chose d'énorme. Comme dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé la Kaaba et lui a dit, tu es certes immense, tu es certes énorme auprès d'Allah azzawajal, tu as un rang élevé auprès d'Allah, et certes le sang du musulman a un rang plus élevé que toi auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit donc que le sang des musulmans est quelque chose de sacré, comme le sang des mécréants aussi est quelque chose de sacré. C'est une chose qui n'est pas permis de faire couler n'importe comment, n'importe quand. Il y a des contrats entre nous et les mécréants, que nous vivions dans leur pays ou que eux vivent dans les nôtres. Et le shir de nous dire donc que le meurtre fait partie des plus grands péchés et il fait partie des choses qui nous emmènent, ou plutôt les choses qui nous emmènent à cela, qui emmènent au meurtre, ou les plus grandes causes qui emmènent les gens au meurtre, à tuer son prochain, ce sont les ambiguïtés et les égarements dans le manhaj, dans la méthodologie. Et ceux qui élèvent l'étendard du meurtre et qui disent « al-qatl, al-qatl », ils élèvent cet étendard et ils appellent à cela au meurtre, ce sont des égarés dans leur méthodologie, ce sont eux « al-khawarij ». Qu'ils fassent partie de ce groupe égaré qui est « al-qa'ida » ou qu'ils fassent partie de cet autre groupe égaré qui est « al-da'ish » ou « al-da'wa'ish », qu'ils s'appellent comme cela ou d'une autre manière, le shir nous dit que cela ne change rien, cela, al-khawarij, ce sont ceux qui ont perverti les pays ainsi que leurs habitants. Et ce sont eux qui ont noirci l'image de l'islam, l'image de la religion de vérité, et qui ont fait de l'islam aux yeux des gens, aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas, qui ont fait de la religion d'Allah Azzawajal, aux yeux des gens, une religion de terrorisme. Car c'est bien ce qu'ils pensent des musulmans, que ces musulmans pratiquent une religion qui est une religion terroriste. Ils étaient Al-Khawarij parmi Al-Qa'ida ou Al-Dawa'ish et autres que eux parmi aussi les frères musulmans qui sont répandus ici. Et dans beaucoup de nos pays musulmans, ces khawarij étaient la cause, comme nous le dit le shir, de la perversion des raisons. Les gens se sont vus pervertir leurs raisons à cause de ces égarés, égareurs qui sont al-khawarij. Ils ont perverti les raisons, ils ont perverti la religion, ou plutôt la religion des gens bien sûr. Ils ont été la cause que les mécréants aient une main sur nous, sur les musulmans. Ils ont été la cause que les mécréants s'occupent de nos affaires et dirigent parfois les musulmans, même dans leur propre pays. Mais le shir nous dit et nous annonce la bonne nouvelle que Allah Azza wa Jalla s'occupe de sa religion et la défend et s'occupe des musulmans, mais à condition qu'ils suivent la vérité, ils suivent les enseignements contenus dans son livre, Al-Qur'an, ainsi que les enseignements contenus dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim. Et le shir nous enjoint à répandre et à propager cette religion, notre religion, la religion de l'islam, la religion véritable, la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la propager au milieu de nous, des musulmans, au milieu du monde entier, de la propager et d'appeler à elle et d'appeler à cette religion qui est une religion de miséricorde, qui n'est pas une religion terroriste, qui n'est pas une religion qui a été légiférée ou qui a légiféré le meurtre, mais plutôt, si le combat a été légiféré dans notre religion, c'est pour faire miséricorde aux gens, c'est pour les appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa religion, c'est pour annihiler sur cette terre, sur la terre d'Allah azza wa jal, la perversion et les troubles. Et nous, nous devons, comme le shir nous enjoint d'appeler les gens vers cela, nous devons mettre devant nous le fait que nous les appelons à cela, à cette religion véritable, afin que nous fassions tous partie des gens du paradis. Nous qui les appelons à cela et eux qui répondent à notre appel. Et le shir a terminé le cours sur cette parole. Il nous dit que ces hadiths, comme ce hadith sur la fin des temps et sur les troubles, et sur les signes précurseurs de l'heure, nous servent à nous rappeler et à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et ils nous servent à nous réveiller et à revenir vers Allah et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à revenir vers ce manhaj qui est le manhaj salafi al-wadih, ce manhaj salafi clair, à revenir vers lui et à avancer d'après cette méthodologie Et ce manhaj, comme nous le dit le Cheikh, est un manhaj ilmi, c'est-à-dire que c'est un manhaj, une méthodologie de savoir qui pousse à apprendre et à connaître la religion d'Allah Azzawajal pour se préserver des troubles et des ambiguïtés. Il nous rappelle le Cheikh à la fin de ce cours, dans ce sens-là, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la compréhension, il lui donne la compréhension de sa religion. Et le Cheikh fait des du'as pour nous. Il invoque Allah Azza wa Jalla qui nous donne la science profitable, qui nous accorde de faire des œuvres pieuses. Il termine sur cela, et cela, comme on a l'habitude de le rappeler, à chaque fois, au début de ses cours, de ses traductions, que ça fait partie aussi des bienfaits de faire des appels, de prendre la science auprès de ses savants, directement de faire des appels. Une chose qui est très facile et qui est à portée, parmi ces bienfaits-là, le fait que ces gens, qui sont des savants, des grands étudiants en sciences, nous les estimons. Nahsibum kadalik. Wallahu hasibuhum wa la nuzakkihim ala Allah. Ce sont des gens de piété. Et lorsque ces gens de piété font des invocations pour nous, ainsi que pour nos familles et nos proches, ce sont des invocations que Allah Azza wa Jal. On espère de lui, on espère en lui, tabaraka wa ta'ala, qu'il les exauce. Des gens de piété qui font des invocations pour vous tous, pour vos familles, pour vos proches. Ça fait partie des bénéfices que nous tirons de cela, du fait de faire des appels téléphoniques avec ces savants, qu'ils nous prodiguent des conseils et qu'ils nous enseignent notre religion. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين